Enchantée, mademoiselle. Salut, on va baisser ? Il fut un temps où le naïf que je suis nourrissait son bonheur dans l'affection d'une fille. Apaisée, confiante, toujours le sourire aux lèvres. Ma vie de couple était en pied, ancrée dans les rêves. L'osmose totale, toi et moi, moi et toi. En compagnie de ma moitié, j'avais la tête dans les étoiles. Intouchable, le MC embrasé par le love. Ignorant les ragots déblatérés par les oives. J'aurais peut-être dû méfier d'elle et au pire engager un détective éclaircissant les zones ombragées. Mais non, j'étais serein et peut-être un peu trop con. C'est merdique, l'amour me rendait aveugle. Dans mon cas, si je te dis ça, c'est qu'au final je reste blasé de cette époque où je clamais haut et fort que j'étais posé. Laissant passer les bonnes occasions et tentations, j'étais fier de ne pas tomber dans l'idée tasse en ébullition. Rempli de principes, j'en avais la conviction. De son infidélité, pas le moindre soupçon. Mais on tombe toujours de haut face à la trahison. J'ai cessé de rêver, Morphée n'était qu'une dérision. Manipulatrice, actrice, la tête des mannes se dévisse, tous prêts à s'entretuer pour une story factice. Manipulatrice, actrice, la tête des mâles se dévisse, tous prêts à s'entretuer pour une story factice. Trop confiant pour voir le vice, la connaître qu'une actrice. Est-ce qu'à A trop déçu de ses mises, ayant trop vécu d'idyllique story factice. Trop confiant pour voir le vice, la connaître qu'une actrice. Est-ce qu'à A trop déçu de ses mises, ayant trop vécu d'idyllique story factice.